بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، bienvenue à vous, chers auditeurs et chères auditrices, sur les radios des ondes de Mirat al-Anbiya, et que Allah subhanahu wa ta'ala récompense en bien ceux qui sont à l'origine de cette radio. Et nous sommes dans le 20e cours autour des fondements et particularités des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, qui sont des cours et des fondements extraits de différents livres de Cheikh Rabi', que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Fait partie des fondements des gens de la Sunna et de ceux qui sont unanimes sur la Sunna, le fait d'obéir, d'écouter les ordres du gouverneur et d'obéir au gouverneur musulman. D'obéir au gouverneur musulman dans l'obéissance à Allah. Et de patienter à tout ce qui peut arriver comme injustice de la part d'un gouverneur musulman. Et il fait partie aussi du fait de lui faire dua à ce gouverneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente vers le bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le réforme en bien, qu'Allah, etc. Et de s'entraider avec sur le bien. Certains diront pourquoi toutes ces répétitions. Enfin, on attire l'attention sur le fait que regarde, frère en Allah, Azza wa Jal, regarde, c'est la sunna d'Allah. Et c'est aussi la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Tu as médité combien de fois tu lis le Fatiha dans tes prières? Allah, il a fait obligatoire que tu la lises dans tes prières, qu'ils soient surrogatoires ou obligatoires, les prières de nuit ou de jour. Hein? Et tout ceci pour que, qu'on se rappelle la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'on prenne la leçon. Et qu'on fasse très attention aux dua que nous demandons d'être, de ne faire pas partie de la voie de ceux qui encourent la colère d'Allah et des égarés. Et pour prendre la route, le chemin de la vérité qui est la voie de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala combien a, de ceux que Allah subhanahu wa ta'ala comble de ses bienfaits. Et combien de fois on répète surat al-Ikhlas, qul huwa Allahu ahad, et ayat al-Kursi. Et sourate l'Ikhlas et ayat al-Kursi nous rappellent les sublimes noms, hein, et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ces noms et ces attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est confirmé lui-même et que nous devons lui confirmer comme il s'est confirmé subhanahu wa ta'ala selon la voix des pieux prédisseurs d'Allah alim. Combien de fois on répète qul ya ayyuhal kafirun, hein? Et cela nous rappelle qu'il faut réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et que l'adoration doit être vouée exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné le fait de se rappeler mutuellement et de se faire des rappels mutuellement, ainsi que notre messager alayhi salatu wassalam. Notre messager alayhi salatu wassalam, combien de fois il répétait, il faisait certains rappels, il les répétait concernant certains points ou certains sujets. Et le rappel, il est fait pour, hein, éveiller et réveiller l'insouciation, hein, et rappeler celui qui a oublié, et donner la leçon à l'ignorant aussi. Et le verset, il est clair, « وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » Le verset, il est très clair. Dans la traduction approximative, il dit ceci. Et rappelle, car le rappel fait du bien aux croyants. Hein? Et donc, il ne faut pas que ce genre d'idées effleure notre esprit. Pourquoi ces répétitions, etc. Hein? Et tu n'as qu'à voir ce qui se passe avec le fait de désobéir au gouverneur, de se révolter contre lui. Pourquoi? Hein? Qu'est-ce que ça amène comme dégâts, comme problèmes dans les sociétés? وفي تقرير هذا الأصل السلفي العظيم يقول العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وغفر له انظر إلى الإمام أحمد وانظر إلى البخاري وانظر إلى أئمة الإسلام جميعا يجعلون هذا أصلا من أصول الإسلام طاعة ولاة المسلمين أصل من أصول الإسلام وسواء كان برا أو فاجرا Et pour confirmer ce fondement salafi, le noble cheikh, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, dit « Regarde l'imam Ahmed Rahimahullah, et regarde l'imam Bukhari Rahimahullah, et regarde les grands hommes de science de l'islam. Tous, ils font que l'un des grands fondements, parmi les fondements de l'islam, c'est le fait d'obéir aux gouverneurs musulmans, qu'ils soient pervers ou pieux, juste ou injuste, peu importe. Il est obligatoire de lui obéir, de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال حفظه الله ونصره في تفسيره لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا عليكم السلام إلى ذكر الله سبحانه وتعالى بخزاف pour l'interprétation du verset qui suit dont la traduction approximative du sens nous dit ceci ô vous qui avez cru obéissez à Allah et obéissez au messager Et à Oulil Amr ici, ce sont les hommes de science et le gouverneur qui tiennent le pouvoir. Et si vous avez un problème sur un sujet quelconque, ou sur quoi que ce soit, ramenez-la vers le livre d'Allah, ramenez-la vers Allah dans le verset, ça veut dire vers le livre d'Allah, et ramenez-la vers le messager, c'est-à-dire durant sa vie. Et maintenant, vers sa sunna, alayhi salatu salam. Si vous croyez en Allah, et on le delà, on le jour dernier. Ça, c'est la meilleure interprétation que vous allez faire à votre problème. La meilleure des interprétations, c'est de le ramener, de le régler à la lumière du livre et de la sunna. يقول رحمه الله وحفظه ومتع به من معاني الآية ومقاصدها العظيمة طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمور من حكام الأمة وعلمائها الراسخين فإن حصل نزاع بين المسلمين في أي شيء من العقائد والأصول والفروع فيجب عليهم لحل هذا النزاع الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم Pour la signification de ce noble verset, il dit concernant la signification de ce noble verset et concernant les nobles buts de ce verset, il dit que les nobles buts de ce verset, ces grands buts, c'est le fait d'obéir à Allah, d'obéir aux messagers et d'obéir aux gouverneurs parmi ceux qui tiennent le pouvoir. Et d'obéir au moins aux hommes de science qui sont ancrés dans la science. Et s'il arrive un problème entre les musulmans, sur quoi que ce soit au niveau des croyances, au niveau des fondements, au niveau des ramures, il est obligatoire de régler ce problème par le fait de revenir au livre d'Allah et à la sunna du messager, alayhi salatu wassalam. قال ثم إن طاعة ولاة الأمور أمر عظيم في الإسلام تجتمع به كلمة المسلمين وتقوى شوكتهم وتعلو كلمتهم ويرهبهم الأعداء ويسود بذلك الأمن والأمان على دين المسلمين وأموالهم وأعراضهم لذا جاءت هذه الآية خاصة حاضة على هذه الطاعة وجاءت أحاديث كثيرة بهذا الصدد تأمر بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله وإن كانت أمراء جور لكن لا طاعة لهم في معصية الله Et il a dit le fait d'obéir au gouverneur est un sujet très important dans l'islam car c'est ce qui va amener l'union des musulmans et c'est ce qui va leur donner la force Et ce qui va faire que leur parole va être la plus haute. Il dit ainsi, par ce fait-là, les ennemis d'Allah les craignent. Et par le fait d'obéir au gouverneur, il y a la sécurité et la stabilité dans les sociétés. La sécurité, les gens peuvent accomplir leur religion tranquillement. Ils ont la sécurité concernant leurs honneurs, leur famille, leur vie, leur fortune. Il dit, c'est pour ça que ce verset est venu, incitant, pour inciter à cette obéissance. Et d'autres hadiths, d'autres nombreux hadiths, sont venus pour nous inciter, pour intimer ses ordres. Le fait d'obéir au gouverneur dans l'obéissance à Allah. Même si c'est des gouverneurs injustes, on leur obéit dans l'obéissance à Allah et on ne leur obéit pas dans la désobéissance à Allah. Abadan. يقول وولاة الأمور هم من ترضاهم الأمة وتبايعهم على السمع والطاعة على مقتضى الكتاب والسنة وإن قامت لهم شوكة ودولة عن طريق التغلب وجبت طاعته والالتفاف حوله لما في ذلك من المصالح العظيمة ودرء المفاسد الخطيرة. إلدي حفظه الله. Les gouverneurs, ceux qui détiennent le pouvoir de la communauté, ce sont ceux que la communauté a agréés et auxquels la communauté a fait l'allégeance. Et cette allégeance implique l'obéissance. L'obéissance selon le livre et la sunna. Il dit, mais maintenant, s'il arrive qu'un gouverneur prend le pouvoir par la force, il s'impose par la force, ou par une révolution, ou un putsch militaire, peu importe, il est obligatoire de lui obéir et de ne pas sortir de sa désobéissance, parce qu'il y a dans ça des grands intérêts pour la communauté. Il y a dans le fait de lui désobéir un grand danger et des mauvais impacts sur la communauté et des grands mal qui vont, il y a beaucoup de mal qui va en découler du fait de ne pas lui obéir. Qu'il ait pris le pouvoir par n'importe quel moyen, du moment que le pouvoir il est entre ses mains, khlas, tu es obligé de te soumettre. Et peu importe qu'il soit pervers, pieux, tu es obligé. C'est l'ordre d'Allah. C'est la sunna du messager, alayhi salatu wassalam. C'est la voie sur laquelle étaient les pieux prédisseurs d'Allah, alayhi. وقال سدده الله في سياق رده على الحزبي عبد الرحمن عبد الخالق الذي يكيل التهم الباطلة للسلفيين في وقت يدافع عن سيد قطب وعمن هدم أحد أصول الإسلام والسنة ألا وهو السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. يا ويل أي عند القطبيين والتكفيريين من يذكر في حديثه بالآيات والأحاديث الآمرة بطاعة ولاة الأمر. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le raffermi dans sa réplique à ce Hizbi qui est Abdurrahman Abdelkhalq. Vous êtes certains parmi vous ne sont pas encore nés quand il a fondé dans, en Koweït. C'est un Égyptien qui a étudié et qui a étudié à la même époque au Cheikh Rabi'. Et là, il a fondé ce qu'il a appelé la Salafia politique ou la Salafia d'Alexandrie. Après, s'est constitué au Koweït et qui a ramené beaucoup de problèmes dans la jeunesse musulmane, etc. Et qui est d'une tendance qui penche plutôt vers la Qutbiya et la Sururiya. Et il dit, en répliquant à ce Hizbi d'Abdurrahman Abdelkhalq, qui accuse faussement les salafis, alors, qu'en même temps, il défend Sayyid Qutb. Sayyid Qutb qui a détruit l'un des plus grands fondements de l'islam et de la sunna, qui est le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur musulman. Il dit, malheur, c'est un grand malheur et un grand mal, et il va lui arriver que du mal, celui qui, dans ses conférences, dans ses paroles, ramène les hadiths, et les versets qui ordonnent le fait d'obéir au gouverneur, malheur à lui chez les Qutbi et chez les Tikfiri. Malheur à lui. Et j'ouvre une parenthèse, combien de gens voient que le fait de parler de ce point, qu'il oubliait son gouverneur, que c'est rien du tout. Ce n'est pas important. C'est de la perte du temps. Alors quand on voit ce qui est arrivé dans les sociétés avec ces révolutions, etc., on comprend pourquoi les pieux prédécesseurs insistent. Quand on voit le bain de sang qu'il y a eu en Égypte, les catastrophes économiques, que ce soit en Syrie, en Irak, ce qui s'est passé en Algérie pendant 20 ans, avant la stabilité, quand on voit tout ça, on comprend que ceux qui ne donnent pas d'importance à ce point et qui ne l'inculquent pas à la communauté, ben ceux-là, ils trahissent la communauté en réalité. Et ils l'amènent vers sa perte. Et ils jouent le jeu des ennemis d'Allah qui veulent la décadence de la communauté. Yaqul wa kam يكنون من العداء والبغض والحقد لمن لا يسير في ركابهم بل يسير في طريق الإسلام الحق يدعو إليه ويدافع عنه. Il dit combien ils ont de haine, c'est-à-dire c'est Qutbi, c'est Takfiri. Alors que Abdelrahman Abdelkhalq défend Sayyid Qutb. Il dit combien c'est Qutbi, c'est Takfiri ont de haine et combien ils détestent tous ceux qui ne sont pas sur la même voie qu'eux. Et tous ceux qui prennent le chemin de la vérité et qui appellent vers la vérité et qui défendent la vérité. يقول وهو يتكلم لعبد الرحمن عبد الخالق لو كنت من أهل العدل والإنصاف يا عبد الرحمن لما نزلت كلام ابن تيمية إلا على هؤلاء الذين هدموا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة فلا ترى كتابا من كتب العقيدة إلا ويورد هذه الميزة العظيمة لأهل السنة والجماعة تميزهم عن فرق الضلال الداعين إلى الفتن والذين يردون نصوص الكتاب والسنة الحكيمة الصادرة من رب العالمين ورسوله الأمين التي تسد أبواب الفتن وتحقن دماء المسلمين وتحمي أموالهم وأعراضهم إلى ديون صدق السنة عبد الرحمن Abdelkhalq, si tu étais juste et équitable, oh Abdelrahman, ces textes que tu as utilisés, les textes que tu as pris de Ibn Taymiyyah, tu aurais dû pas les claquer sur les salafis. Tu aurais dû les utiliser sur ceux, parce qu'ils concernent ceux-là. Tu aurais dû les utiliser sur ceux qui ont détruit un des fondements des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Il dit, tu vois que dans tous les livres des croyances, il y a un chapitre qui s'appelle « Obéir, écouter, obéir au gouverneur musulman ». Il dit, ça c'est une particularité, c'est une énorme, une grande particularité avec laquelle se distinguent les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna de tous les groupes de l'égarement. Ces groupes de l'égarement qui appellent vers la sédition, vers les troubles. Ces groupes de l'égarement qui rejettent les textes du livre et de la sunna. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et du messager alayhi salam qui sont là pour fermer les portes de la sédition. Eux, ils les mettent de côté. Ces textes qui permettent à la communauté de préserver le sang, qui permettent le fait de préserver le sang de la communauté et qui permettent le fait de préserver les fortunes et de préserver les vies et les honneurs des musulmans. Wa qala hafidhahu Allah wa ghafara lahu as-sabru ala ulati al-amr wa injaru wa amru ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa huwa manhaj a'immat as-sunnah ba'dahu. Et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala préserve, patienter et endurer face à l'injustice des gouverneurs musulmans, c'est l'ordre du messager alayhi salatu wa salam. Et c'est la voie sur laquelle étaient les grands imams et les grands hommes de science de cette communauté après le messager alayhi salam. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه الأشياء كلها. الرسول الرحيم المجاهد الذي لا يطيق الباطل أبدا ينظر إلى ما يصلح المسلمين وإلى ما يفسدهم ويرجح بين المصالح والمفاسد. فظلم الحكام وانحرافهم مفسدة كبيرة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر عليهم مهما بلغ فسادهم إلى أن يخرجوا من دائرة الإسلام خروجا واضحا لا غبار عليه ولا ضباب. إلدي حفظه الله تعالى. Le message عليه الصلاة والسلام nous a annoncé tout cela. Il nous a annoncé quoi? Comme quoi il va y avoir des gouverneurs injustes. Hein? Ce messager qui avait de la clémence pour la communauté, ce combattant, alayhi salatu salam, qui ne supportait pas le faux, jamais, il regardait à l'intérêt des musulmans. Et il regardait au bien des musulmans. Et il regardait aussi sur les choses qui vont prodiguer le mal aux musulmans. Et il met en avant, hein, il analyse la situation du bien et du mal, et il met en avant le bien, alayhi salatu salam. L'injustice des gouverneurs, leur déviance, est un grand mal, certes. Mais le messager, alayhi salatu salam, a ordonné le fait de patienter et d'endurer. Peu importe le degré du mal et d'injustice auquel ils sont arrivés. Tant qu'ils sont musulmans, tant qu'ils ne sont pas tombés dans la mécréance, hein? Et il faut que tomber dans la mécréance, que ce soit clair, que ce soit pas basé sur des ambiguïtés. Mais ceci, encore une fois, j'ouvre la parenthèse, qui peut le faire? Moi et toi? Non. Un homme de science. Hein? Al-hal wa al-aqd, les hommes de science qui maîtrisent les situations. Hein? Quant à nous, nous devons rester à nos places. Hein? Et ne pas s'aventurer dans ce qui ne nous regarde pas pour ne pas faire n'importe quoi. Hein? Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ghayyurun ala ad-din bal huwa aktharu an-nas ghayratan ba'da Allah ala maharimihi wa ma'a dhalika ya'muru bis-sabr alayhi as-salatu was-salam wa ahlus-sunnah wal-jama'a min 'ahdi as-sahabati ila yawmina hadha mawqifuhum la yakhtalif ولا يخرج عن توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بانحراف الحكام وأمر بالصبر عليهم. Et le prophète عليه الصلاة والسلام, il a une grande jalousie pour sa religion et pour la religion d'Allah. Il y a personne qui peut être aussi jaloux du messager عليه الصلاة والسلام, hein, pour la religion. أبدا. Hein? Il a une jalousie qui vient juste après celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? En ce qui concerne ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, et en ce qui concerne la religion d'Allah. Et malgré tout ça, il a ordonné le fait de patienter, alayhi salatu salam. Et les gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna depuis l'époque, des nobles compagnons jusqu'à nos jours, leur position ne change pas. Et ils ne divisent pas les orientations du noble prophète, du noble messager alayhi salatu salam, qui nous a annoncé, qui a annoncé à la communauté la déviance du gouverneur et qui a ordonné le fait de patienter devant leur déviance. Fa'an Auf ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما قاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه الإمام مسلم. والصحابة رضي الله عنهم رأوا انحراف الحجاج عبد الله بن عمر وجابر وأبو سعيد وأنس بن مالك وأمثالهم رأوا انحراف يزيد فما كانوا يزيدون على أن يأمروا بالصبر رضوان الله عليهم أجمعين. Et le hadith, il cite le hadith que rapporte l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, de Auf ibn Malik al-Ashja'i, que Allah subhanahu wa ta'ala a gré les nobles compagnons, qui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah dire, les meilleurs de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous aimez et ceux qui vous aiment, ceux qui vous font des du'as et auxquels vous faites des du'as. Il est pire de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous détestez et ceux qui vous détestent et qui vous maudissent et vous les maudissez aussi. Ils ont dit, Ya Rasulallah, on les combat? Il a dit non. Non, tant qu'ils accomplissent, on vous la prière. Ah. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui est sous le pouvoir d'un gouverneur, s'il voit ce gouverneur faire un mal ou faire accomplir une désobéissance à Allah, qu'il déteste la désobéissance qu'il est en train d'accomplir, hein, et yarhamukallah, il reste dans son obéissance. Il déteste la désobéissance que le gouverneur accomplit. Mais il ne sort pas de ça, de son obéissance. Il lui obéit dans quoi? Dans l'obéissance à Allah. Il ne le suit pas dans sa désobéissance. Les nobles compagnons d'Allah alayhim ont vu la déviance du Hijjaj. Le Hijjaj, qu'est-ce qu'il n'a pas fait couler comme sang dans la communauté? Il a tué des grands hommes de science. Hein? Et à son époque, le Hijjaj vivait Abdullah ibn Omar, et Jabir ibn Abdillah, et Abu Saïd, et Anas ibn Malik, et d'autres parmi les nobles compagnons d'Allah alayhim. Et ils ont vu aussi la déviance du Yazid, et ils ne dépassaient pas d'Allah alayhim le fait d'ordonner à la communauté, hein, de patienter, d'endurer. Khalas. Parce que c'est ce qu'ils ont appris du messager alayhi salatu wassalam. Ridwanullah alayhim. وفي هذا الباب ذكر الشيخ حفظه الله كثير من الأدلة الشرعية التي قام عليها أصل أهل السنة في السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله والصبر على ما قد يحصل منهم من ظلم وأثرة وبين ما في مراعاتها من المصالح العظيمة التي تعود على المسلمين في دينهم ودنياهم فقال ومن الأدلة قول الرسول الكريم والناصح الأمين إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى جميعا. Et dans ce passage, Cheikh Rabi حفظه الله تعالى a ramené beaucoup de preuves du livre et de la sunna sur laquelle se base ce fondement qui est le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur, hein, dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal, et dans lequel il y a le fait de patienter et d'endurer, d'endurer face à toute injustice que fait subir le gouverneur, et de patienter et d'endurer face au fait que le gouverneur, il va s'accaparer de la fortune pour lui, hein, il va prendre les biens pour lui, hein, sans prendre en considération les autres. Et il a montré dans ce passage, hein, combien ces textes du messager alayhi salatu wassalam prennent en considération les grands intérêts qui concernent la communauté et qui préservent la religion de la communauté et qui lui préservent aussi son bas monde. Et il a dit parmi ces preuves de la parole du noble messager alayhi salatu wassalam et du conseiller din qu'il était alayhi salatu wassalam, il a dit alayhi salatu wassalam, il va y avoir des gouverneurs qui vont s'accaparer de la fortune et vous allez voir des choses que vous n'allez pas reconnaître, c'est-à-dire des choses qui ne correspondent pas à la sunna, qui ne correspondent pas à ce qu'il y a dans la législation ni ce qu'il y a dans le livre. Ils lui ont dit, « Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu nous ordonnes si on vit et on voit ce genre de choses? Qu'est-ce que tu nous ordonnes, Ya Rasulallah ?» Il leur a dit, « Vous vous acquittez de vos devoirs et vous demandez votre devoir à Allah. Vous acquittez de vos devoirs et votre droit, vous le demandez à Allah. » Hein? Il n'y a rien, pas autre solution. C'est celle-là. C'est celle qu'il y a. C'est la seule qui mêle la stabilité, la sécurité et l'aisance à la communauté. S'il y avait une autre voie, le noble compagnon, il l'aurait montré. Il connaît mieux. Hein? Il a la révélation avec, alayhi salatu wassalam. فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَطْلَعَهُ اللَّهُ على ما سيكون في هذه الأمة من جور الأمراء واستئثارهم بالأموال والمناصب وغيرها ولما أخبر أصحابه بهذا الواقع الذي سيكون لا محالة سأله أصحابه الكرام كيف تأمر من أدرك منا ذلك فأسل نبل مساج عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ليفيا كونتر ce qui va exister dans la communauté comme injustice de la part des gouverneurs et comme quoi les gouverneurs vont prendre les fortunes pour eux, les hauts postes pour eux, pour leurs proches et ainsi de suite. Hein? Et Rasulullah s.a.w. a annoncé cette situation qui allait arriver, qui n'est pas encore arrivée au noble compagnon d'Allah alayhi. Et qui est arrivé sans aucun doute parce que il n'est que le véridique qui n'a dit que la vérité. Et à ce moment-là, avant que c'est arrivé, les nobles compagnons lui ont posé la question, « Qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire si on vit à cette époque ?» فَأَجَابَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمَا يُجَنِّبُهُمُ الْخَوْضَ فِي الْفِتَنِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ فَقَالَتْ أَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ. Et il leur a donné la réponse, عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, qui va leur faire éviter de tomber dans les séditions et de tomber dans les bains de sang. Et il a dit, vous acquittez de vos devoirs et vous demandez votre droit à Allah. On ne vous donne pas votre droit. Khlas, vous devez vous acquitter de vos devoirs et vous demandez votre droit à Allah, Azza wa Jal. Wa lam yaqul sallallahu alayhi wa sallam, thuru alayhim wa tadhaharu وطالبوا بحقوقكم ومنعوهم حقهم كما منعوكم حقوقهم. Et il n'a pas dit alayhi salatu wassalam au noble compagnon, révoltez-vous contre les gouverneurs, sortez aux manifestations, demandez vos droits et ne vous acquittez pas de vos devoirs vis-à-vis des gouverneurs comme ils ne vous donnent pas vos droits. Abadan. Hein? Et tu vois, frère Allah, Azza wa Jal, hein? Ça c'est une parenthèse. Toutes ces tendances, qu'ils soient l'Ikhwan, l'Qaïda, les Sororé, les Qutbi, ils appellent, ils sont conformes à ce genre de hadith ou ils sont le contraire de ce hadith? Et regarde, comme qu'ils sont le contraire du hadith, ils n'ont ramené que le mal pour la communauté. Et comme il a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, tout bien qu'il y a sur terre, qu'il y a dans ce monde, il vient du fait d'être que les gens soient conformes au livre et à la sunna. Et tout mal, il vient du fait d'être en divergence avec le livre et la sunna. Hein? وقال صلى الله عليه وسلم للأنصار الكرام: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فلم يأمر الأنصار الذين قامت على كواهلهم وكواهل المهاجرين نصرة الرسول والإسلام ودولة الإسلام العظمى التي لا نظير لها، لم يأمرهم إلا بالصبر في هذه الدنيا حتى يلقوه صلى الله عليه وسلم على الحوض. إلدي عليه الصلاة والسلام الأنصار لنوب الأنصار لزلي دوميدين: Après moi, vous allez voir que les gouverneurs vont s'accaparer, etc. Vous verrez beaucoup de choses, hein, qui vont se passer de la part des gouverneurs. Ils vont s'accaparer des fortunes, des postes et ainsi de suite. Patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez sur le bassin, sur le Haoud de Rasulullah. Il n'a pas ordonné à l'Ansar, alors que c'est par leurs efforts, après l'aide d'Allah Azza wa Jal, par leurs efforts et les efforts du Muhajirin, qui a eu le triomphe du messager alayhi salatu wassalam, le triomphe de l'islam et l'accomplissement d'un géant état musulman qui n'a pas d'égal. Il leur a ordonné tout simplement de patienter dans ce bas monde jusqu'à ce qu'il le rencontre sur son bassin alayhi salatu wassalam le jour de la résurrection. Hein? On suit qui? إن حق الأنصار على المسلمين والحكام لعظيم وعظيم. ومع ذلك يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر عند وجود الأثرة لا بمناهضة الحكام الذين لا دور لهم في إقامة دولة الإسلام ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الشدة والقلة في العدد والعدة والمال. Le droit des alliés de Médine, l'Ansar, ils ont un droit énorme. Les musulmans leur doivent beaucoup. Les musulmans, ainsi que les gouverneurs qui gouvernent, ont des devoirs énormes vis-à-vis de l'Ansar. Hein? Et malgré tout ça, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses nobles Ansar de patienter et de ne pas prendre les armes et de rentrer en guerre avec les gouverneurs, alors que ces gouverneurs qui ont pris le pouvoir après le messager alayhi sallam n'ont pas joué le rôle qu'ils ont joué l'Ansar pour la formation et pour la constitution du grand état islamique. Et ils l'ont fait à quel moment? Au moment difficile, c'est Ansar. Ils ont tout sacrifié. Ils étaient peu nombreux. Ils étaient peu nombreux et ils n'avaient pas de fortune, et ainsi de suite. Et la situation était très difficile pour eux. Et ils ont tout sacrifié pour la religion d'Allah. Et malgré tout ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et cela prouve que nous avons des devoirs, vis-à-vis de ces nobles compagnons d'Allah alayhim. وقال حفظه الله: وهذا أصل ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ودان به أئمة الإسلام وقرروه ورفضه الخوارج الذين نكبوا الإسلام والمسلمين بفتنهم وسفكوا دماءهم. إلى ديك الله سبحانه وتعالى البريزيرف سا سيتان فوندمون sur lequel le messager d'Allah a éduqué sa communauté. Et c'est un fondement qui faisait partie de la religion des grands imams de cette communauté. Et c'est un grand fondement qu'ont confirmé les grands imams de la science de cette communauté. Et ce fondement a été refusé par les Khawarij, qui ont causé beaucoup de tort à l'islam et aux musulmans, et qui ont fait couler beaucoup de sang de cette communauté, et qui ont créé beaucoup de séditions et de troubles dans la communauté musulmane. Ils ne cessent de le faire, et vous avez, vendredi dernier, regardez l'insensé ce qu'il a fait, en faisant couler le sang des innocents, par trahison, Parce que son esprit est accaparé par la voix du Sikhawarij et du Sidawa'ij, qui sont à l'opposé de la voix que Rasulullah a enseigné à l'Ansar, qu'il a enseigné à l'Muhajiroun, et la voie sur laquelle étaient les grands imams parmi Tabi'in et leurs successeurs et ceux qui suivent les nobles compagnons jusqu'au jour dernier. وقال حفظه الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ينظر في المصالح والمفاسد فأمرنا بطاعة الولاة فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني والحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى ذلك الله سبحانه وتعالى préserve et puis le message عليه الصلاة والسلام concernant le sujet du fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Regardez ça et pesez les intérêts, le mal, les inconvénients et le mal. S'il y a un mal, il l'étudie, alayhi salatu wa sallam. S'il y a un bien, qu'est-ce qu'il emporte? Est-ce que c'est le bien qu'il emporte ou là c'est le mal qu'il emporte? Et ainsi de suite. Tout ceci fait partie de la voie du prophète, alayhi salatu wa sallam. Et il nous a ordonné, parce qu'il y a un intérêt dedans, il nous a ordonné d'obéir au gouverneur, alayhi salatu wa sallam. Il a dit, celui qui m'oublie, il a oublié Allah. Et celui qui me désoublie, il a désoublié Allah. Et celui qui obéit à mon gouverneur, il m'a obéi. Et celui qui désoublie à mon gouverneur, il m'a désoublié. Il n'y a pas plus clair que cette parole du messager alayhi salatu wassalam. Hein? Et il a dit qu'il y a des gouverneurs qui vont s'enfuir du livre d'Allah et de la sunna de Rasoulillah sallallahu alayhi wassalam. Et en même temps, il nous a montré, il a montré à la communauté comme quoi il va y avoir des gouverneurs déviants qui vont dévier de la voie du livre et de la voie de la sunna. Et qu'on va reconnaître certaines choses parce qu'ils correspondent au livre et à la sunna, et certaines choses on les reconnaîtra parce qu'ils ne sont pas conformes ni au livre ni à la sunna. Et que ces gouverneurs vont prendre d'autres chemins que le chemin sur lequel était le messager alayhi salatu wassalam. Comment se comporter avec eux dans ces cas-là? Al-Khawarij والمعتزلة جعلوا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدخلوا في ضمنه الخروج على الحكام والرسول صلى الله عليه وسلم راعى المصالح والمفاسد الخوارج ainsi que المعتزلة ils ont un de leurs fondements c'est le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Mais ils ont immiscé dans ce fondement, et ils ont fait partie de ce fondement le fait de se rebeller contre les gouverneurs. Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, regarde, il prend en considération le mal et le bien, et il n'a pas ordonné le fait de se rebeller contre les gouverneurs. Si tu me dis, c'est quoi le Mu'tazila? Où ils sont? C'est un groupe qui... Il existe. Les poussins d'Yel Mu'tazila, les contes de la raison. Les poussins d'Yel Mu'tazila, les frères musulmans. L'un de leurs fondements des frères musulmans, où le gouverneur gouverne, ou c'est les croyants qui vont gouverner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'ils ne gouvernent pas comme eux ils veulent, ils vont se révéler contre lui. عياذا بالله وأمر صلى الله عليه وسلم أمته بقتال أهل البدع وقتلهم أيضا ك كما قال في الخوارج أينما وجدتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة. Et عليه الصلاة والسلام il a ordonné à la communauté de combattre les gens de l'innovation et de les tuer. Hein? Et ceci sera fait par des individus comme nous, non. Il faut que toujours qu'il y ait. Hein? Il n'y a pas d'anarchie dans l'islam. Il faut que ce soit accompli par le gouverneur, ordonné par le gouverneur, etc. Hein? Et il a dit concernant les khawarij, là où vous les trouvez, combattez-les. Et il a dit d'eux, ce sont les pires des créatures. Les pires des créatures. وفي المقابل أمرهم بالصبر على الحكام لأن في قتل الخوارج إزاحة لهذا الوباء عن صفوف الأمة لأن الخوارج يكفلون المسلمين ويستبيحون دماءهم ويسلون السيوف عليهم ويمسكون سيوفهم عن عباد الأوتان ويسلطون على عباد الله المؤمنين. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le fait de patienter contre l'injustice du gouverneur. Car dans le fait de combattre les khawarij, il y a le fait de débarrasser la communauté de cette grande gangrène et de ce cancer. Le fait de les éliminer du milieu de la communauté musulmane. Car les khawarij rendent mécréants les musulmans. Ils rendent licite le fait de couler leur sang. Ils prennent leurs armes contre les musulmans. Ils retiennent leurs armes. Hein? Ils n'utilisent pas leurs armes contre les adorateurs des statues et les associateurs. Hein? Mais toutes leurs armes en direction des croyants. Hein? فالحاكم ما دام في دائرة الإسلام تجب طاعته في طاعة الله. ولا طاعة له في معصية الله. ترى أهل الحديث هذا منهجهم. Il dit حفظه الله تعالى, le gouverneur, tant qu'il est musulman, il est obligatoire de lui obéir dans l'obéissance à Allah. Et on lui obéit pas dans la désobéissance à Allah. Il dit ça, c'est la voix des gens du hadith. Hein? إذا استأثر الحاكم بالمال والمناصب فهل نثور عليه بالسلاح؟ Maintenant, si le gouverneur s'accapare des fortunes et des postes, est-ce qu'on prend les armes contre lui؟ الجواب نصبر لإبقاء الهيبة للمؤمنين وتبقى شوكتهم قوية وسيفهم مسلولا على الأعداء وليس على أنفسهم لأننا إذا ثرنا عليه جاءت مفاسد لا أول لها ولا آخر وتفرقت كلمة المسلمين وسلط الله عليهم الأعداء إلى آخره. يعني بالصبر عليهم تتحقق مصالح عظيمة وتدرأ مفاسد كبيرة وخطيرة لا نهاية لها. Il a dit en réponse à la question, on patiente sur les gouverneurs injustes, etc. pour préserver hein, la prestance de la communauté et pour préserver les forces de la communauté et pour que les armes de la communauté soient orientées vers les ennemis d'Allah et non pas contre eux-mêmes. Et parce que si on se révolte contre eux, contre les gouverneurs, là vont arriver le mal, un grand mal va arriver qui n'a pas de début ni de fin. Et la communauté va se diviser. Et les ennemis d'Allah vont s'accaparer d'elle. Et vont avoir le dessus sur elle. Et il dit avec la patience et l'endurance, on accomplit les nobles intérêts. Et on repousse le plus grand mal et le plus grand des dangers qui n'a pas de fin. Hein? Qui se rappelle parmi vous quand ça a démarré en Algérie? Ça a duré 20 ans. Hein? Allah al-Musta'an, que Allah subhanahu wa ta'ala préserve les pays de l'islam. فالشارع الحكيم أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر ووضع لنا لذلك ضوابط. Donc, le législateur qui fait les choses à la perfection nous a ordonné le fait de ordonner le bien et de blâmer le mal. Mais il a instauré des règles pour ça. Il a instauré des règles qu'il ne faut pas transgresser. Parce que si on les transgresse, c'est la cata. منها أنه بين لنا كيفية مواجهة المنكرات التي تحصل من الحكام بأن لا نطيعهم في معصية الله وأمرنا إذا أردنا أن ننصحه أن ننصحه في السر فيما بيننا وبينه بالحكمة والموعظة الحسنة إن سمع وتقبل فذاك وإن لم يتقبل فالمنكر الذي ارتكبه يرتكبه على نفسه ونكون قد أدينا واجبنا والحمد لله. Et il dit, حفظه الله, et parmi ces règles, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a montré et nous a donné des éclaircissements sur le fait comment faire face au mal qui émane des gouverneurs et aux choses blâmables qu'accomplit le gouverneur. Et il nous a ordonné le fait de ne pas obéir au gouverneur dans la désobéissance à Allah. Et il nous a ordonné de fait de le conseiller en secret, en privé, en tête à tête, hein, de la meilleure des façons, et en utilisant la meilleure des exhortations. Si il écoute et qu'il accepte, c'est bon. S'il n'accepte pas, nous avons rempli notre devoir. Et le mal qu'il aura accompli, il en sera responsable devant Allah. Et dans ces cas-là, nous avons rempli notre devoir vis-à-vis de lui. Il a louangé à Allah. Khlas, Allah ne nous a pas imposé plus que ça. Et maintenant, on se pose la question. Tous, est-ce que on est tous capables et dignes de prodiguer le conseil à un gouverneur? Khalas. Il faut que ce soit celui qui en est capable, qui en a les capacités et qui en est digne. Et duquel, hein? Alors, le conseil, ce n'est pas d'écrire sur Internet ou sur les journaux. Abadan. Alors, c'est main dans la main, en secret avec lui. Et tu ne parles pas à un gouverneur comme n'importe qui. Hein? À chacun sa place. Il est obligatoire de prendre en considération, hein, les gens et leurs postes, etc. يقول رحمه الله أما الخروج وسل السيف عليه فلا ما دام في دائرة الإسلام قال صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله فلا نذابذهم بالسيف فقال لا ما قاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة ها ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان أخرجه الإمام البخاري فلا يسمح لك أن تخرج على هذا الحاكم الجائر إلا إذا رأيت الكفر البواح كان يبيح الخمر أو يبيح الخنزير أو يبيح الربا علانية فهذا كفر بواح بارك الله فيكم. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve contre le fait de se révéler et de prendre les armes contre le gouverneur tant qu'il est musulman, bah, ce n'est pas permis, car Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit: les meilleurs de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous aimez et qui vous aiment, auxquels vous faites dua, ils vous font le dua. Et les pires de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous détestez et ils vous détestent. Hein? Vous les maudissez, ils vous maudissent. Ils ont dit à Rasulullah, est-ce qu'on prend les armes contre eux? Il a dit non. Tant que, hein, ils vous laissent accomplir la prière, qu'ils accomplissent la prière. Et si vous voyez un mal, que votre gouverneur accomplit un mal, ou vous voyez quelque chose que vous détestez, c'est-à-dire qui ne correspond pas à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, détestez l'acte qu'il est en train de faire. Mais ne sortez pas de l'obéissance. Restez dans son obéissance, c'est-à-dire dans l'obéissance à Allah. Dans l'autre hadith, ne conquérons pas les gouverneurs sur leur poste. Sauf si vous voyez une mécréance claire de laquelle vous avez une preuve d'Allah. Donc il dit, Hafidhahullah, il n'est pas permis de se révolter, de sortir contre le gouverneur injuste. Sauf si on voit une mécréance claire. Et encore une fois, qui peut voir la mécréance claire? Et qui l'autorise, hein? Et prend comme les sites l'alcool, le porc, il prend comme les sites et autorise l'usure, l'intérêt, ainsi de suite. Ça, c'est de la mécréance claire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, dit Cheikh. Il dit, mais tout ceci, pour enlever ce gouvernant, n'importe qui vient le faire, et le décréter, le décider. Hein? La masse doit faire ça, abedin. يقول هذا إذا كان للمسلمين قدرة على تنحيته فليقوموا بذلك وأما إذا عجزوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Il dit maintenant pour l'enlever, si la communauté il en a les capacités pour pouvoir le mettre de deux côtés, qu'ils le fassent. Mais s'ils sont incapables, Allah subhanahu wa ta'ala n'oppose pas aux personnes ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et encore une fois là, est-ce que ce sont la masse qui va décider que la communauté a le pouvoir ou a les capacités de le faire? Abedan. Les hommes de science avec les spécialistes militaires et autres, c'est eux. Al-hal ou al-aqd. Dans tous les domaines. Et pas la masse comme nous. Abedan. Nous, on doit être derrière les hommes de science. On ne doit pas les devancer. On ne doit pas être la source de l'anarchie. Et tout ce que nous avons vu, les prêcheurs de l'anarchie, ils ont entraîné la masse dehors. Hein? Et nous avons vu les catas que ça a fait. Parce que ils n'ont pas respecté ces fondements sur lesquels étaient les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. يقول أما ما دام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلي ويصوم ويجاهد ما دام يصلي فقط نطيعهم ما قاموا فيكم الصلاة. Il dit tant que le gouverneur donne le bien, blâme le mal, prie, jeûne, hein, accomplit le combat sur le sentier d'Allah, tant qu'il prie, dans ces cas-là on le rubie, hein, comme il dit dans le hadith. يقول حفظه الله ومتع به فهذا هو المنهج الصحيح الذي سار عليه أهل الحديث انطلاقا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونهم الدينية والدنيوية والاجتماعية والسياسية كلها تنطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit حفظه الله تعالى, ça c'est la voie juste et la voie authentique sur laquelle étaient les gens du hadith qui partent leur point de départ, c'est le livre d'Allah. Et la sunna du messager alayhi salatu wasalam, dans toutes leurs situations, que ce soit les situations religieuses, ou mondaines, ou sociales, ou politiques, pour tout cela, ils partent du livre et de la sunna. Yaqul al-shahid anna al-haditha anna ahl al-hadith al-mukhlisin al-sadiqin fi aqwalihim wa af'alihim wa harakatihim وسكناتهم وعقائدهم ومناهجهم ملتزمون بكتاب الله ومن ذلك التعامل مع الحكام إلى أن قال ندعو لهم أي لولاة الأمر بالصلاح والإصلاح وكان الأئمة ومنهم الإمام أحمد يقول لو أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم لأن في صلاحه صلاحا للأمة فإذا أصلحه الله أصلح به الأمة. Il dit le témoignage, la preuve ici c'est que les gens du hadith, les sincères gens du hadith, véridiques, qui sont sincères, véridiques dans leurs paroles, dans leurs actes, dans leurs mouvements et dans leur inertie et dans leurs croyances et dans leur voix, se cramponnent le livre d'Allah, hein? Ils se cramponnent au livre d'Allah et fait partie de ça d'agir ainsi avec le gouverneur, hein, et d'être conforme au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala face au comportement qu'on doit avoir vis-à-vis du gouverneur. Ainsi ils sont. Et il a dit, et on leur fait dua, C'est-à-dire, on fait dua au gouverneur. Car s'il est réformé dans le bien, ça va avoir un impact sur la communauté. Il va jaillir sur la communauté. Et parmi les grands imams qui faisaient des dua pour les gouverneurs, hein, et c'est l'imam des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et il a subi de la part de ses gouverneurs, malgré tout ça, il leur fait dua. Et il disait, si je savais que j'avais un dua qui allait être exaucé, hein, je le réserverais au gouverneur. Car il y a donc le fait qu'il soit réformé dans le bien, la réforme en bien de la communauté. Hein? Et si Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente vers le bien, ben ce bien sera dans la communauté. يقول الشيخ فندعو لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية ندعو لهم بهذه الأشياء كلها. الشيخ il dit on leur fait du'a et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les réforme dans le bien et qu'il leur donne le succès dans le bien et dans ce qu'ils accomplissent, hein? Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils accomplissent la justice dans la communauté. On demande, on fait tous ces du'as pour les gouverneurs, pour que Allah subhanahu wa ta'ala les reforme dans le bien, parce qu'il y a le bien de la communauté. Et sur cette voie-là, étaient beaucoup d'hommes de science, et à leur tête l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Contrairement à ces insensés qui croient, hein, ces insensés avec lesquels sont éprouvées la communauté maintenant, de tendance sorori, ikhwan et autres de Al-Qaïda, ils croient que quand tu fais le dua au gouverneur, que tu es en train de le caresser dans le sens de poil. Il ne sait pas le pauvre que ça c'est la voix des pieux prédisseurs d'Allah alayhim. Hein? Et quand tu parles de ce fondement qui est le fait d'obéir au gouverneur, etc., que ça c'est une faiblesse de ta part. Il ne sait pas le pauvre, il a oublié, ou là il fait semblant de ne pas connaître, que ça c'est la voie sur laquelle, hein, vers laquelle nous a orienté le messager, alayhi salam, et sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah alayhim, et ceux qui les ont suivis à la perfection. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, anjuzukna wa iyakum fiqha fi d-din, anjalna wa iyakum min alladhina yastami'una al-qawla, فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.